Moi, je pense que le plus important, c'est de bien s'occuper des enfants avant l'âge de 6 ans. Oui. En tout cas, il faut être très attentif avant qu'ils soient adolescents. Et avant que leurs copains ne prennent trop d'importance dans leur vie. Aussi, les parents doivent bien écouter leurs enfants avant de prendre des décisions importantes pour eux. Bien sûr. Et ils doivent aussi bien réfléchir avant de leur donner des conseils.